Enseignement par le Vénérable Sayadaw Unnanujjota Bhivamsa. Retraite de méditation Vipassana. Centre d'Amarancy, juillet 2022. Aujourd'hui, Sayadaw parlera du deuxième des sept facteurs d'illumination, les Bojangas. Ce deuxième facteur d'illumination est appelé en pali Dhamma Vichaya Sambojanga. Dhamma Vichaya est un mot composé de deux parties, Dhamma et Vichaya. Dhamma veut dire caractéristique individuelle des phénomènes physiques et mentaux. Ces phénomènes ont donc des caractéristiques qui leur sont propres. Vichaya est un mot qui se traduit de différentes façons. Ici, on choisira le terme investigation. Dhamma Vichaya, c'est donc l'investigation des caractéristiques des phénomènes. Dhamma est qualifié de sabhava. La particule sa veut dire individuel. Bhava veut dire ce qui existe vraiment. Il s'agit donc des caractéristiques individuelles, la façon dont les choses se manifestent. Prenons un exemple dans le domaine de la matière. Nous avons dans la matière les quatre grands éléments, Patavi, la terre, Apo, l'eau, Tejo, la température, et Vayo, l'air. Pour ce qui est de Patavi, la terre, sa caractéristique, c'est la dureté, la douceur. Apo, l'eau, a la caractéristique de la fluidité, de la cohésion. Tejo, la température, est caractérisée par la chaleur et le froid. Et pour Vayo, l'élément air, sa caractéristique, c'est le support, la vibration, le fait de rendre les choses relâché ou au contraire tendu. Sabhava, ce sont donc les caractéristiques individuelles telles qu'elles viennent d'être décrites à propos des quatre grands éléments. On peut parfois parler de qualité, les qualités individuelles. Les caractéristiques ou qualités individuelles sont deux synonymes. Pour ce qui est de l'esprit, il a la caractéristique de savoir, de connaître l'objet. C'est sa qualité. La qualité, la caractéristique de Vedana est de ressentir. C'est ce qui pousse à agir. Toutes ces caractéristiques sont ce que l'on appelle les dhammas. Les dhammas dont il est question dans l'expression Dhamma Vichaya, investigation du dhamma. Ce sont donc les dhammas que nous allons investiguer. Au cours de notre méditation, nous observons les mouvements de l'abdomen. Et qu'allons-nous expérimenter? Nous allons expérimenter de la tension, du mouvement, des vibrations. Tout cela, nous allons l'expérimenter au moment où nous observons les mouvements de l'abdomen. Observer toutes ces sensations, lorsqu'on les ressent à l'intérieur de soi, ces mouvements, ces pressions, ces tensions, ces vibrations, c'est l'investigation du Dhamma qui le fait. Nous observons les caractéristiques de l'élément air. Parfois, au cours de notre pratique, Il est possible que nous expérimentions de la chaleur, par exemple. Nous pourrons constater que la chaleur en elle-même, c'est une chose, que la prise de conscience de cette chaleur, c'est autre chose. La chaleur, c'est physique. La prise de conscience de la sensation de chaleur, c'est mental. Investiguer de cette façon, comprendre de cette façon, c'est précisément la signification de Dhamma Vichaya, l'investigation du Dhamma. Pour un débutant, ces facteurs d'illumination, ces bodhjanga, ne seront pas très clairs, pas très évidents. Le débutant doit s'entraîner et encore s'entraîner, et dès qu'il aura atteint le stade des apparitions et disparitions, Udaya Beyanyana, ces facteurs d'illumination, ces bodhjanga, vont devenir beaucoup plus clairs. Le yogi s'entraîne et il comprend de plus en plus clairement les caractéristiques individuelles des phénomènes qu'il observe. Sa pratique va se développer et bientôt, il expérimentera un autre type de caractéristiques, celles que l'on appelle les caractéristiques communes de tous les phénomènes, anicca, dukkha et anatta. Ces trois caractéristiques communes vont devenir de plus en plus évidentes pour ce yogi. Anicca, la première de ces caractéristiques, c'est le fait que, après être apparu, le phénomène n'existe plus. Il apparaît et disparaît immédiatement. C'est la caractéristique de anicca, l'impermanence, anicca lakana. Cette caractéristique de l'impermanence va devenir de plus en plus évidente. Le fait que ce phénomène apparaît pour disparaître instantanément, le fait qu'il est impermanent, est ressenti par le méditant comme une souffrance. Le méditant expérimente cette souffrance et réalise ainsi la deuxième caractéristique, dukkha lakana, la caractéristique de souffrance. Le méditant constate également qu'il lui est impossible de contrôler ces choses. Il n'y a aucun moyen de contrôle possible. C'est l'absence d'une entité permanente, la troisième caractéristique, anatta lakana. Ces trois caractéristiques, anicca, le fait que les choses sont impermanentes, la deuxième, dukkha, la souffrance qui est due par anicca et l'absence d'une entité permanente à l'intérieur de ces phénomènes qui les contrôlerait, ces trois caractéristiques sont communes à tous les phénomènes. C'est pourquoi on les appelle les caractéristiques communes. Lorsque Vipassana est pratiquée et que le méditant est en mesure d'expérimenter ces trois caractéristiques des phénomènes, il commence à discerner ces caractéristiques communes. Discerner de cette façon, c'est Dhamma Vichaya Sambojanga, le facteur d'illumination de l'investigation du Dhamma. Les connaissances vipassana vont alors se développer et bientôt, Santi Lakana, la caractéristique de calme, va apparaître. En fait, c'est Nibbana. Nibbana a la caractéristique du calme, de la paix. À ce stade, c'est donc le Dhamma qui est perçu. L'expérience de Santi Lakana, autrement dit de Nibbana, cette partie de l'investigation du Dhamma est en réalité la réalisation du chemin et du fruit. Dans Nibbana, la seule chose que l'on expérimente, ce sont les caractéristiques des phénomènes. Rien d'autre. Nibbana a sa propre caractéristique individuelle, c'est le calme, mais la paix qu'il expérimente dans Nibbana n'est pas impermanente, elle est permanente. Il n'y a pas de souffrance, Nibbana est toujours sans souffrance, agréable, cela procure le bonheur, mais Nibbana est cependant sans soi. Il a la dernière caractéristique. Nibbana n'a donc pas les trois caractéristiques communes au phénomène, il n'a que la dernière, l'absence d'une entité permanente. Il est sans soi, mais il est permanent et il est bonheur. Expérimenter ainsi la caractéristique individuelle de Nibbana, le calme, c'est Dhammavicaya Sambhojanga, le facteur d'illumination de l'investigation du Dhamma. Les phénomènes physiques et mentaux et Nibbana ont ceci de commun qu'ils ont tous les deux la troisième caractéristique, l'absence d'un ego permanent. Les phénomènes physiques et mentaux sont vides d'une entité permanente. Nibbana également est vide d'une entité permanente. On peut donc dire que les phénomènes physiques et mentaux et Nibbana ont cette caractéristique en commun. L'un comme l'autre sont vides d'une entité permanente. Les phénomènes physiques et mentaux sont, eux, anicca, impermanent, dukkha, souffrance et non-soi, vides d'une entité permanente. Alors que Nibbana est permanent, il est bonheur, il n'y a pas de souffrance, mais il est dépourvu d'une entité permanente comme les autres phénomènes. Nibbana est permanent, il est bonheur et il est vide d'un ego permanent. Comprendre, expérimenter tout cela, c'est précisément Dhammavicaya Sambhojanga, le facteur d'illumination de l'investigation du Dhamma. La caractéristique de ce facteur d'illumination est d'investiguer les caractéristiques individuelles et communes des phénomènes. Un yogi qui n'a pas encore expérimenté tout cela ne détient pas encore Dhammavicaya Sambhojanga. Ne pas réaliser tous ces dhammas, c'est l'ignorance. En pali, on parle de avidya, on se trouve dans l'obscurité. Lorsqu'on est dans l'obscurité, on ne voit rien, on ne comprend rien. Si on allume, que la lumière apparaît, cette lumière va révéler ce qu'il y a dans la pièce. Les objets qui étaient invisibles deviennent visibles. Cette qualité qui permet de percevoir les caractéristiques spécifiques et les caractéristiques communes des phénomènes physiques et mentaux qui se manifestent constamment pendant la méditation, autrement dit, réaliser Nibbana au cours de sa méditation, c'est un des aspects les plus importants de Dhammavicaya Sambhojanga. Lorsqu'on comprend les caractéristiques individuelles des phénomènes et les caractéristiques communes des phénomènes, ainsi que la caractéristique de Nibbana, lorsqu'on voit tout cela, que nous l'expérimentons, nous voyons ce qui existe vraiment. On peut dire alors que la lumière du soleil éclaire notre champ de vision. C'est comme si un phare illuminait les phénomènes et nous permettait de les voir tels qu'ils sont réellement. C'est la fonction de Dhammavicaya Sambhojanga. La fonction de Dhammavicaya Sambhojanga, c'est d'éclairer les phénomènes de façon à ce qu'on puisse en voir les caractéristiques communes et individuelles. Lorsqu'on est dans l'obscurité, on ne voit pas clairement les objets. Mais si la lumière apparaît, la confusion est dissipée et on voit clairement. On ne se pose alors plus de questions. On ne se demande plus, par exemple, s'il y a là un individu qui serait le dépositaire de ces phénomènes, s'il y a une cause qui provoque l'apparition de ces phénomènes, s'ils sont agréables ou désagréables. Peut-on les contrôler? Nous ne nous posons plus toutes ces questions, il n'y a plus aucune confusion, et lorsque le yogi finalement expérimente la paix de Nibbana, il ne se demande plus s'il existe vraiment. Non, il n'a plus aucun doute à propos de tout cela. C'est la clarté qu'amène Dhammavicaya Sambhojanga. On parle alors de Asammoha en pali. Dhammavicaya Sambhojanga se manifeste dans l'esprit du yogi sous forme d'une clarté, d'une certitude absolue à propos de ce qui existe vraiment. Voyons maintenant quelle est la cause pour l'apparition de Dhammavicaya Sambhojanga. Le Bouddha nous dit qu'il suffit d'observer tout ce qui se manifeste en soi à chaque instant. La première expérience, la première connaissance va devenir la cause pour la deuxième. La deuxième connaissance ou compréhension va elle-même devenir la cause pour la troisième, et ainsi de suite. Imaginons quelqu'un qui entreprend une formation dans le domaine mondain. Il va progressivement développer sa compréhension, sa connaissance, et cette première connaissance va devenir la cause pour la connaissance suivante. La connaissance suivante, s'étant manifestée, devient elle-même la cause pour la connaissance suivante. Dans le domaine de la méditation, c'est de cette façon que Dhammavicaya Sambhojanga se développe par étapes successives. Voyons maintenant ce qu'il faut pour que Dhammavicaya Sambhojanga s'installe dans l'esprit. La cause première, c'est le fait de questionner. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous allez vous adresser à quelqu'un qui, lui, sait. Le fait de demander à quelqu'un qui connaît le Dhamma de vous expliquer de quoi il s'agit constitue le point de départ de cette évolution de la connaissance. C'est le fait d'être un questionneur. Dans les affaires mondaines, celui qui pose des questions, qui s'adresse à quelqu'un qui sait, aura des résultats. Mais s'il n'est pas un questionneur, s'il ne s'adresse pas à d'autres pour lui expliquer ce dont il s'agit, il ne pourra pas progresser. Dans le domaine de la méditation, il faut qu'il y ait le questionneur pour s'adresser à quelqu'un qui sait, sans quoi il n'y aura pas de progrès. La deuxième cause pour s'assurer la présence de Dhammavicaya Sambhojanga, c'est de s'assurer de garder les bases internes et les bases externes dans un état de propreté. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour les bases internes, il s'agit de se doucher régulièrement, de se couper les ongles. Cela concerne donc la propreté interne. Maintenir le corps dans un état de propreté. Pour ce qui est de la propreté externe, il s'agira de maintenir l'environnement dans lequel on vit dans un état de propreté également. Faire la lessive de ses vêtements, nettoyer l'environnement. Si on veut faire apparaître Dhammavicaya Sambhojanga, En soi, il faut que ces deux bases, internes et externes, soient maintenues propres. La troisième cause, c'est d'équilibrer les facultés. Il y a cinq facultés qui sont mentionnées dans les Écritures. Il y a tout d'abord une première paire, la confiance sadda et la sagesse panya. Vient ensuite une deuxième paire, virya, l'énergie, et samadhi, la concentration. Ces deux paires de facultés doivent être maintenues en équilibre. Si la foi est excessive, la conséquence sera que la personne va devenir crédule, naïve. Elle croira tout ce qu'on lui propose. Si l'effort, l'énergie est en excès, l'esprit ne pourra pas se connecter à l'objet. Si par contre on est trop à l'aise, trop relax, l'esprit pourrait tomber dans la somnolence. Ces facultés doivent donc être maintenues en équilibre. Foi et sagesse, énergie et concentration. S'il y a trop de sagesse, trop d'intelligence, trop de connaissances, les conséquences seront négatives, la personne ne fera plus confiance à personne. Il n'acceptera pas ce qu'on lui propose. S'il y a trop de foi, il devient crédule. S'il y a trop de concentration, le méditant somnole. S'il y a trop d'énergie, il est agité. C'est un des rôles du professeur d'expliquer au méditant comment il doit s'y prendre pour maintenir ses facultés en équilibre. La quatrième cause pour l'apparition de Dhammavicaya Sambhojanga, c'est d'éviter la compagnie des personnes qui ne sont pas sages. Et la cinquième cause, c'est de rechercher la compagnie des personnes qui le sont, qui sont sages. Une personne sage, ce n'est pas une personne intellectuellement développée, des personnes qui ont beaucoup de connaissances intellectuelles. Ici, la personne sage, c'est une personne qui a pratiqué la méditation et qui a atteint au moins le stade des apparitions et disparitions, Udaya Beyanyana. Bien sûr, si cette personne a atteint les stades encore plus avancés, elle n'en sera que d'autant plus sage. En résumé, si nous voulons faire apparaître en nous le facteur d'investigation du Dhamma, il faudra obligatoirement développer la sagesse, ce qui n'est pas la même chose que la connaissance intellectuelle. La sagesse ne peut s'acquérir que par la méditation. Elle ne s'acquiert pas par l'analyse, la lecture, l'écoute d'enseignement, la compréhension intellectuelle. Si nous nous adressons à un guide spirituel qui ne détient pas cette sagesse véritable, authentique, il ne pourra pas nous faire progresser, nous n'atteindrons pas le facteur d'investigation du Dhamma. Il ne se développera pas en nous et n'apparaîtra même pas. La sixième cause pour faire apparaître Dhammavicaya Sambhojanga, c'est d'investiguer le Dhamma, d'investiguer les khandhas, les bases sensorielles, les ayatanas, les éléments, les quatre bases de l'attention, les quatre satipatthanas. Ce sont les dhammas profonds. Nous devrons donc investiguer les dhammas profonds. Et la dernière cause pour faire apparaître Dhammavicaya Sambhojanga, c'est donc d'incliner constamment l'esprit vers le développement de ce facteur d'illumination. Nous devons développer notre pratique, constamment nous en soucier. Nous devons abandonner la connaissance intellectuelle. Il faudra toujours donner la priorité à la sagesse véritable, la compréhension expérimentale. Si nous donnons la priorité à la connaissance intellectuelle, nous n'arriverons pas à faire apparaître en nous le facteur d'illumination de l'investigation du Dhamma. Le yogi qui s'entraîne tout au long de la journée en posture assise avec l'abdomen, pendant la marche avec les faces du pas, et qui réalise les caractéristiques individuelles et communes de ces processus, qui réalise leurs qualités, ce yogi est un méditant qui détient Dhammavicaya Sambhojanga. Sayadaw va conclure l'enseignement en répétant encore une fois que le yogi qui réalise les caractéristiques spécifiques du mouvement de soulèvement, du mouvement d'abaissement de l'abdomen, des différentes phases du pas lors de la marche, qui observe attentivement tous les objets qui se manifestent constamment à l'intérieur de lui et qui envoie les caractéristiques, détient Dhammavicaya Sambhojanga. Puissiez-vous tous observer attentivement les phénomènes qui se manifestent en vous à chaque instant, puissiez-vous réaliser leur véritable nature, leurs caractéristiques, et développer ainsi le facteur d'illumination de l'investigation du Dhamma, Dhammavicaya Sambhojanga. Une fois ce facteur installé en vous, il va vous permettre de développer les autres facteurs d'illumination. Sadhu, sadhu, sadhu.